Scène 7. Ubu parle en dormant. Un sire dragon russe. Faites attention, ne tirez pas par ici. Il y a du monde. Ah, voilà bordure maintenant. Qu'il est mauvais, on dirait un ours. Et Bougrela qui vient sur moi. L'ours. Le voilà là-bas. Qu'il est dur, grand Dieu. Non, je veux rien faire. Va-t'en, Bougrela. Entends-tu drôle? Ah, voilà Renski maintenant. Et le Czar. Ils vont me battre. Et l'arbu. Où as-tu pris tout cet or? Tu m'as pris mon or, misérable. Tu as été farfouillé dans mon tombeau, qui est dans la cathédrale de Varsovie, près de la lune. Je suis mort depuis longtemps, moi. C'est Bougrela qui m'a tué. Et je suis enterré à Varsovie, près de Vladislas le Grand. Et aussi à Cracovie, près de Jean Sigismond. Et aussi à Thorn, dans la casemate, avec bordure. Ah, le voilà encore. Mais va-t'en, maudit ours. Tu ressembles à bordure. Entends-tu, bête de Satan? Ah non, il n'entend pas. Les salopins lui ont coupé les oreilles. Décervelez, tuez, coupez les oreilles, rachetez la finance et buvez jusqu'à la mort. C'est la vie des salopins, c'est le bonheur du maître des finances.